Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, j'ai une petite exhortation que je voudrais partager avec vous. L'exhortation se trouve dans le livre de Samuel. Vous connaissez tous Samuel chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Dans cette histoire de Samuel, de quoi s'agit-il? En fait, il y a une femme, Anne, qui ne faisait pas d'enfant et qui partait prier au temple. N'est-ce pas? Parce qu'elle était stérile. Donc, elle disait à Dieu, « Seigneur, voilà, je ne fais pas d'enfant. Mais si tu me donnes un enfant, cet enfant sera consacré à l'œuvre de Dieu. Je vais te le donner en quelque sorte. Il te servira, cet enfant. » Et Anne, Dieu va exaucer sa prière. Quand elle a eu l'enfant, elle a respecté la parole qu'elle avait donnée à Dieu. Parce qu'elle avait dit, si tu me donnes un fils, ce fils te sera consacré. Elle a tenu parole. Et qu'est-ce qui va se passer? À cette époque, il y avait un sacrificateur, un prophète que vous connaissez tous, Élie. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, Élie avait des fils et ses enfants se comportaient très mal dans le temple. Les enfants d'Élie faisaient des conneries, des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu était fâché contre Élie. C'est alors que Dieu décide de juger la maison d'Élie parce qu'Élie ne reprenait pas ses enfants. Il était au courant de ce que faisaient ses enfants, du mauvais témoignage de ses enfants, mais il n'a pas agi comme Dieu le voulait. Et Dieu décide alors de juger la maison d'Élie. À cette époque, Élie, le sacrificateur, dormait dans le temple. Et le jeune Samuel aussi dormait dans le temple. Samuel ne vivait pas avec sa mère, parce que sa mère avait tenu parole. Sa mère avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un enfant, cet enfant sera consacré à Dieu. Et elle a tenu parole. Qu'est-ce qui va se passer? Une nuit, alors que Élie dormait, Samuel aussi dormait, Dieu vient vers Samuel. Samuel, Samuel, Samuel se réveille, parce que Dieu l'appelait. Et la Bible dit que Samuel court vers Élie pour aller voir Élie. Élie, c'est toi qui m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. L'enfant est reparti. Une deuxième fois, l'enfant entend la voix. Samuel, Samuel, il se réveille. Et il court direct vers Élie. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Maintenant, si tu entends encore cette voix, dis, réponds, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Et quand la voix revient une troisième fois, Samuel a dit exactement ce qu'Élie lui avait conseillé, c'est-à-dire, Éternel, ton serviteur écoute, parle. Et Dieu va révéler à Samuel des choses qui concernent le ministère d'Élie. Dieu avait dit à Samuel, voilà, vu qu'Élie s'est mal comporté, puisqu'il n'a pas repris ses enfants, comme il le fallait, il est au courant des mauvaises choses que font ses enfants, mais il ne les reprend pas. Donc voici ce qui va arriver dans la maison d'Élie. Dieu vient parler au jeune Samuel, d'accord? Et quand vous allez lire l'histoire, vous verrez que Samuel, Élie ira trouver Samuel le lendemain matin, et Élie va dire à Samuel, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit, parce que si tu me caches ce que l'Éternel t'a dit, une malédiction va te frapper. Dis-moi tout. Bon, Samuel va lui dire ce que Dieu a dit, mais Samuel n'était pas obligé. Pourquoi je fais cette exhortation? Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Une fois qu'ils ont un petit pépin, un rêve, une vision, ils courent vers Élie pour qu'Élie donne la révélation de ce que Dieu veut lui dire. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes, ne fais pas l'erreur de Jérémie. Quand Dieu parle à Jérémie, Jérémie dit, je suis encore un enfant. Non, Samuel pouvait aussi dire, je suis encore un enfant. D'ailleurs, à chaque fois, il courait vers Élie pour avoir, croyant que c'est Élie qui l'appelle. Dieu viendra te trouver. Dieu va t'amener des songes, des visions, des rêves. Dieu parle comme il veut. Mais il faut que tu comprennes que si tu es sur terre, C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, il a des choses à te révéler toi seul. Des choses qui ne concernent pas ton papa pasteur ou qui concernent le papa pasteur, comme dans le cas d'Élie. Mais ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que Dieu viendra à toi parce qu'il a des choses à te révéler. Si tu as une vision, si tu as un rêve, quelque chose, tu es sûr que ça vient de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne cours pas vers le papa pasteur, mets-toi à genoux parce que la personne, Dieu, qui a décidé de te révéler ces choses-là, il a quelque chose, il a un plan. Dieu n'est pas parti parler à Élie que voilà, comme tu as fait ça, tu vas voir. Non, non, non, non, non. Dieu vient parler à Samuel. Samuel qui était, je vais dire, un nouveau converti par rapport à Élie. D'accord? Mais Dieu vient parler à Samuel. Dieu a un plan pour toi. Il y aura des choses que Dieu viendra te dire toi, qu'il n'ira pas dire à ton papa pasteur. Ce que tu dois faire, ce n'est pas parce que tu as eu le songe, ce n'est pas parce que tu as eu la vision que tu cours voir papa pasteur pour qu'il donne l'explication. Dieu ne lui donnera pas l'explication. Vous allez remarquer que Dieu vient vers Samuel à trois reprises. Dieu n'a pas dit, comme le petit là ne comprend rien, bon, je m'en vais parler à Élie. Non. Dieu tenait à ce que c'est Samuel qui ait la révélation. C'est pourquoi, première fois, Samuel ne comprend rien, il court vers Élie. Deuxième fois, Dieu pouvait le répéter même 1000 fois. Il tenait à ce que c'est Samuel qui entende ce qu'il avait à dire. Voilà, Dieu marche comme ça. Quel que soit le pasteur que tu as, si Dieu a des choses à te révéler, qu'il te parle par vision, qu'il te parle par songe, sache qu'il ne courra, qu'il n'ira pas dire ça à ton papa pasteur. C'est toi qui dois entendre ça, et toi seul. Et toi seul. Donc si tu cours vers ton papa pasteur pour qu'il te donne l'interprétation, Dieu ne lui donnera pas l'interprétation, parce que Dieu tient à te dire ce qu'il a à te dire à toi seul. Donc comprenez que lorsque vous êtes dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu aimerait avoir avec toi cette relation spéciale, c'est-à-dire entre toi et lui, c'est-à-dire il te parle, tu lui parles, tu lui poses des questions, il te répond. C'est ce que Dieu veut. Donc, c'est très important. Tu auras des visions, tu auras des songes, mais ce n'est pas la peine de courir vers ton papa pasteur pour avoir l'explication. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre à genoux et dire, Seigneur, ton serviteur, écoute, ou bien papa, ce que tu m'as montré là, je n'ai pas compris. Père, je te dis, Dieu tient à te révéler. Et il le fera si tu le lui demandes sincèrement. Il te dira parce qu'il a décidé, il t'a choisi, toi. Et pourtant, Dieu a beaucoup d'enfants. Donc, il a décidé de te révéler certaines choses qui peuvent concerner soit ton papa pasteur ou bien ta propre vie. Regardez un peu. Donc, cette habitude qui consiste, tu as une vision, tu as un songe, au lieu de te mettre à genoux pour demander à Dieu l'explication de la vision, on court vers le pasteur, vers l'évangéliste, vers le prophète, hein, vers le révérend docteur. Ça ne sert à rien parce que Dieu ne va pas lui donner l'interprétation. Parce que Dieu veut te parler, toi. Dieu ne veut pas parler à Élie. Dieu a décidé de parler à Samuel, pas à Élie. C'est-à-dire que si Samuel va voir Élie pour qu'Élie donne l'interprétation, non, Dieu a décidé que c'est à Samuel. Ce que je vais dire là, c'est Samuel. Personne d'autre, c'est Samuel. Il faut comprendre que Dieu est comme ça. S'il a des choses à te révéler, il ne va pas courir le révéler à ton papa parce qu'il va te parler, toi. Regardez un peu ce qui est arrivé à Joseph. Dieu lui révèle dans des visions ce qui, le plan qu'il a pour lui. Il devait garder ça pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à raconter à ses frères. Et ça a suscité la jalousie. La jalousie, ses frères étaient jaloux. Et c'est la même chose dans l'église aujourd'hui. Vous savez que dans l'église, il y a des chrétiens matures, il y a aussi des bébés, des gens qui sont encore charnels, comme l'apôtre Paul le dit. Des chrétiens qui sont encore charnels. Donc, ça veut dire quoi? Si Dieu te promet une promotion ou quelque chose qu'il doit faire, une bénédiction, ce n'est pas la peine de le raconter à tous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore charnelles. Ça va susciter en eux de la jalousie, exactement comme les frères de Samuel Vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils étaient jaloux de leurs frères. Donc, il faut que tu saches qu'il y a des choses que Dieu viendra te dire, toi. Il ne faut pas le partager de gauche à droite. Hein? Deuxièmement, ça ne sert à rien d'aller voir ton pasteur. Dieu ne lui donnera pas l'interprétation. Parce que c'est à toi que Dieu veut révéler cela. C'est à toi seule, personne d'autre. C'est à toi que Dieu veut le dire. Et il viendra vers toi. C'est la raison pour laquelle Samuel, Élie, a bien conseillé au jeune Samuel. Parce qu'il lui a dit, si tu entends encore la voix, dis, Éternel, parle, ton serviteur, écoute. Ce que tu dois faire, si tu as une vision, tu as un songe, et que tu crois que ça vient de Dieu, va tout simplement à genoux dire, Père, je n'ai pas bien compris. Dieu fera tout pour que tu comprennes ce qu'il a envie de te dire. Il fera tout. Il fera tout. Parce qu'il a décidé de te dire ça à toi seul, personne d'autre. Et c'est pourquoi Joseph a eu des ennuis. Parce qu'il a mis, il s'est, comment dirais-je, il a raconté de gauche à droite. Les frères de Joseph, toi aussi tu as des frères. Les frères de ton église, ce sont tes frères. Les sœurs de ton église, ce sont tes sœurs, parce que vous avez le même père. Donc, Dieu t'a montré une révélation, Dieu t'a montré une vision, quelque chose qu'il va faire dans ta vie, une bénédiction, comme le cas de Joseph. Ne raconte pas à des frères, ne raconte pas à tes sœurs de l'église, ne raconte pas même à tes frères de l'église, parce que ça peut susciter la jalousie. Même si on dit bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, il y a la jalousie dans l'église. C'est normal, parce que dans l'église, comme l'apôtre Paul le dit, il y a des gens qui sont encore charnels. Ils donnaient le lait aux personnes qui étaient encore charnelles parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle. Ils ne sont pas affermis. Donc, ils sont encore charnels. Ils agissent encore comme les païens, si vous voulez. Donc, ils ressentent encore les jalousies. Parfois, une bénédiction d'un frère ou d'une sœur n'est pas un sujet de joie pour eux. Il y a des gens qui n'aimeraient même pas entendre que telle personne a été bénie. Il y a encore de la chair dans l'église parce qu'il y a encore des chrétiens qui ne sont pas encore affermis. C'est pourquoi, si tu racontes la bénédiction que Dieu a promis faire dans ta vie, certaines personnes peuvent réagir comme les frères de Joseph, c'est-à-dire jalousie, parce que toi, tu vas être béni. Donc, ce que Dieu te révèle, garde ça pour toi seul. Ce n'est pas la peine de raconter de gauche à droite. Et si tu as reçu un songe, une vision, et que tu crois au-dedans de toi que c'est Dieu qui veut te parler, c'est comme tout dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé, elle me dit, frère, j'ai la même vision, elle s'est répétée 3 fois. Je lui ai dit, si ça se répète, va à genoux, Dieu a peut-être envie de te dire quelque chose, si vraiment la vision vient de Dieu. Si la vision vient de Dieu, tu dis que ça s'est répété 3 fois, la même chose. Dans ce cas, va à genoux et demande à Dieu l'explication. Ne fais pas l'erreur de Samuel, c'est-à-dire on court vers Élie. Ne va pas vers ton papa pasteur pour que tu vas aller le trouver. Et oui, pasteur, voilà la vision. Non, Dieu veut te révéler, Dieu veut te parler à toi seul. Dieu savait où dormait Élie. Dieu n'est pas allé là-bas. Il a dit, c'est à Samuel que je vais dire ce que j'ai envie de dire, à Samuel seul. Donc, Dieu fait comme il veut. Tu es son enfant et il tient à te révéler des choses. Parce que le plan, il faut bien le comprendre, le plan qu'il a pour toi n'est pas le même qu'il a pour moi. Ce n'est pas le même plan. Ce n'est pas la même bénédiction. Ce n'est pas la même bénédiction. Tout le monde n'a pas eu la bénédiction de Joseph en Égypte. Et pourtant, il y avait d'autres enfants de Dieu à l'époque. Donc, on n'a pas tous les mêmes bénédictions. Peut-être la bénédiction que Dieu a pour toi, d'autres personnes seront jalouses si tu leur dis ce que Dieu a promis faire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu te dit, toi, garde-le pour toi. Ne raconte pas ça aux gens. Et si tu as une vision, un songe, et que tu penses que ça vient de Dieu, va te mettre à genoux et demande à Dieu l'explication. C'est simple. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Donc, il faut éviter. Je connais un homme de Dieu que j'avais vu à Amiens. Il avait une habitude. Tous les fidèles de son église, à chaque fois que quelqu'un avait un songe, on venait le voir. Oh, pasteur, voilà ce que j'ai eu la nuit. Et parfois, j'étais assis à côté de lui, chez lui, pas à l'église, dans sa maison, parce que parfois, il m'invitait chez lui. Frère, viens, on va prendre un coca ensemble. Non, je m'en vais le trouver. Et il y avait des moments où ça sonnait à la porte, l'enfant va ouvrir, c'est une dame, c'est un monsieur qui rentre. « Oh, pasteur, vraiment désolé de te déranger, voilà ce que j'ai eu la nuit comme vision, comme songe. » Et il passait son temps à dire, « Bon, si tu passais dans l'eau, l'eau veut dire ça. Si tu as vu les arbres, ça signifie ça. Si tu as vu la mer, c'est ça. Si le ciel était comme ça. » Et il essayait d'interpréter ses songes et ses visions. Moi, j'étais là, je le regardais. Et un jour, moi, j'allais à la zone industrielle d'Amiens parce que j'avais un entretien d'embauche. Et à la zone industrielle, je croise un monsieur, un père de famille, un Ivoirien, marié des enfants. Et cet homme, je le voyais à l'église. Quand je l'ai vu à la zone industrielle, parce que je ne le voyais plus à l'église de ce monsieur, je lui ai dit, « Oh, papa, c'est comment ? Moi, je croyais que tu étais au pays puisque je ne te vois plus. » Il me dit, « Non, moi, je vais aller faire quoi là-bas ? » Je lui dis, « Mais pourquoi ?» Il me dit, « Mais je suis allé le voir pour une vision. » Et il m'a donné l'interprétation. Or, ce qui m'est arrivé par rapport à ma situation, c'était complètement le contraire de ce qu'il m'avait dit. Est-ce que Dieu ment ? Je lui ai dit, « Non. » Est-ce que le Saint-Esprit se trompe ? Je lui ai dit, « Non. » Il me dit, ce qui veut dire que l'interprétation qu'il avait donnée venait de son intelligence. Parce que tout ce qu'il m'avait dit, c'est l'opposé qui est arrivé. Donc, frère, alors que si cet homme était parti à genoux devant le Seigneur pour avoir l'explication, Dieu allait lui donner la véritable explication. Donc, quand vous recevez vos visions et vos songes et que vous pensez que ça vient de Dieu, bien aimé, allez à genoux et demandez à Dieu qui a envoyé la vision. C'est lui qui va vous révéler ce qui est dit. Il faut que tu saches que même si Élie est ton pasteur, ce que Dieu a à te dire, c'est à toi. Personne d'autre. Regardez, Dieu voyait ce que Samuel faisait. À chaque fois que Dieu appelle Samuel, Samuel court vers Élie. Dieu était là. Dieu est patient. Il attendait. Mais Dieu n'a pas dit, bon, comme il est encore jeune converti, il ne comprend rien. Bon, je n'ai pas le choix. Je vais dire à Élie et Élie va lui dire. Non, non. Dieu a dit, il n'y a que lui, Samuel. Même si tu cours là-bas, c'est à toi. C'est à toi. Je veux attendre. C'est à toi que je dois révéler ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, bien-aimés, de faire très attention. Ça ne sert à rien. Si Dieu vous a révélé quelque chose, ne commettez pas l'erreur de Joseph. Parce que ça va susciter la jalousie de tes frères et sœurs en Christ. Je vais parler ici des chrétiens qui sont encore charnels. Un chrétien charnel, il est content quand la bénédiction c'est pour lui. Mais il n'est pas très content quand c'est une bénédiction pour les autres. Parce qu'il est encore charnel. C'est la raison pour laquelle il est mieux que tu gardes pour toi ce que Dieu t'a révélé. Que ce soit une vision et tout. Deuxièmement, il faut que tu saches que Dieu a des choses. Et Dieu a prévu dans le plan qu'il a pour toi de te dire certaines choses rien qu'à toi seul. Et si Dieu veut passer par un songe ou une vision, peu importe la personne que tu iras voir pour avoir l'interprétation, cette personne ne te donnera pas la véritable interprétation parce que Dieu tient à toi, il veut que c'est toi seul qui saches ce qu'il a envie de te dire. Personne d'autre, il ne va pas donner l'interprétation à quelqu'un d'autre parce que Dieu veut te parler toi seul et non personne d'autre. Que Dieu te bénisse.